Déconfinés. Il paraît, selon les médias, là, c'est ça. On est rendu à cette étape-là. Aujourd'hui, le 24 août 2020, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti. Mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Vous connaissez André-Philippe Gagné. Bonsoir, en passant. Faut dire bonsoir. Faut accueillir le client, le personnel, les gens qui nous écoutent et qui prennent le temps de s'intoniser soit en direct CKRL comme actuellement ou en balado-diffusion. On a le choix. On a toujours le choix et je le dis depuis. Belle lune, la lunette. Je vais faire une imitation d'André-Philippe Gagnon. Pas grand monde qui a fait ça, là. Pas grand monde qui se sont occupés de ce personnage qui roule sa bosse depuis une bonne trentaine d'années. Qui a été à Johnny Carson Show. Et moi, mon plus grand succès de mon ami André-Philippe Gagnon, c'est son homme Sax. Donc, je vais imiter, non pas André-Philippe Gagnon, je vous ai enduit en erreur. J'aimais ça, enduire. Ah, enduis-tu, toi? Ah, je m'enduis. Et plus je m'enduis, plus je me séduis. Oh! Ça fait des soirées incroyablement intéressantes. On se parle. Hein? J'aime bien me parler, donc on se parle à deux. La meilleure chose à faire, c'est de placer un miroir. Parce que tu ne peux pas te voir normalement, là. Si tu te vois, tu me dis ce qui se passe pour que tu arrives à ce phénomène pararénal. Parce que ça, c'est du pararénal. Du pararénal, il y en a-tu du pararénal? C'est partout le pararénal, là. C'est pas juste à CKRL, à cette heure-là, à ce moment précis. Il y a des gens qui ont l'imagination fertile. Comme dans certaines années, en tout cas, il y a quelques années, les femmes étaient fertiles. Elles le sont aussi encore, mais elles maîtrisent plus l'arrêt là, de placer sur cette terre la chanson italienne. Comment tu appelles ça? Les Bambino. Ah, les Bambino. Ah, petit Bambino. Ah, Bambino. Pas confondre Bambino et Bobbino. Bobbino, ça. Oui. Parce que je prends l'accent italien. Moi, je prends tous les accents, madame. Presque rarement l'accent grave. Parce que tout le monde est sur le gravelot, hein? Ils sont dans la garnotte. Êtes-vous capable de faire... d'avoir une expression de garnotte? Vous cherchez. Je sens dans votre iris... Parce qu'on peut... aujourd'hui, c'est vrai, il faut s'en parler. Quand tu parles à quelqu'un dans un lieu public, fermé, la seule chose que tu vois, c'est l'iris. Les yeux. Le regard. C'est la seule chose que tu peux examiner. Ah bon, après ça, les cheveux puis le reste du corps, mais quand tu parles là, de personne en personne. Woo! ça. Ok, ok, le siège est pas haut pis le monde est dans ta bulle. Hey Chanel, laisse-toi une minute là. Mais y'a rien là, parce qu'on va dire comme le gars. Edmondston is the place to be. Envoie des CEO de Jameson pour nous tiennent de bonne humeur. Hey, merci Stella! Ce qui me fait plus triper, c'est le petit couple en avant. Dans leur soixantaine, ils ont mangé du champignon. Ils sont dans le moment. À l'entrée, ils sont venus nous voir. Ils ont parlé de Doors. Ils les avaient vus en 68. Ils ont même comparé eux autres. Je dis, ok, le compliment est trop grand. Faites pas dans les souliers, mais ça fait du bien entendre. Ils nous disaient que c'est dans les années 70 que ça se passait. Alors, les dit, hey, qu'est-ce que vous voulez dire? Les belles années sont passées. Chacun autour de vous autres, ça se voit, ça se passe. Vous mettre dans... Non, c'est plus fait, Mme Tremblay. Arrêtez de sangloter en disant « je comprends pas ». Moi non plus, je comprends rien, puis je pleure pas. Est-ce que ça fait du bien? Oui, c'est vrai que ça irrigue. Le Nil le sait très bien. Le Nil en Égypte. Qui paraît-il continue dans, je sais pas, en Afrique de je sais pas qui m'a raconté ça il y a pas longtemps. Ben, il y a à peu près 5 ans. Non, mais 5 ans, ça fait pas longtemps dans une histoire humaine. Humide, c'est très longtemps, là. Hein? 5 ans dans l'eau, là, tu risques d'être beaucoup plus ratatiné que Mme Thibodeau. À 98 ans d'espoir, elle a 98 ans cette semaine. Mardi, on va la fêter demain. Mardi. On peut-tu l'applaudir? 98 ans de bonheur, d'amour. C'est une femme, c'est une sage femme. Elle a ressuscité de tout. Elle a eu plusieurs amants, plusieurs maris, quelques enfants. Peut-être, non. Ah oh, non. Quelques enfants parce qu'elle elle est très sensible à ce qu'elle dit et à ce qu'elle met au monde. Et je lui ai parlé il y a 3 jours. Puis elle me demande toujours la même question. Hein. On est sur le coin de la rue. On attend le petit bonhomme. On attend le petit bonhomme. Ouais, mais là, j'ai dit, madame, là, on va l'attendre. Puis on va discuter jusqu'à temps que Félix Leclerc passe en chantant le petit bonhomme. Elle dit, hein, le petit bonhomme? Elle dit, c'est pas ça. C'est le petit bonheur. Oh, vous êtes extra. Je vous aime pour ça. Ah, ben, on va continuer à parler. Fait que là, on discutait, puis... On parle de choses et d'autres. Et elle me demande, comme à chaque fois, « Hey, faites-vous encore de la radio, M. Grenier? » « Madame, plus que jamais, plus que jamais. » « Ah, ben oui. »« Hey, je vous écoute quelquefois quand j'ai de la difficulté à dormir. » C'est une ancienne professeure de français. mais pas de français traditionnel. Là. Non, elle était dans la littérature française. Donc, elle peut te parler de... Elle a encore une mémoire de brebis. Et t'as-tu déjà... Oui, j'ai-tu... Non, attends un peu, toi, avant de t'exciter le pompon. Les brebis sont très facilement compréhensibles. Dans le regard. Puis aujourd'hui, on ne voit plus personne. Ben, on les voit. Mais juste au niveau... en haut du nez. Jusqu'aux toupettes, puis la couette, puis tout le reste. Mais sinon, là, il faut deviner. Et moi, j'adore, lorsqu'on est rendu à ce moment-là, de laisser aller l'imaginaire. Puis, je suis certain que vous ne vous en plaignez pas. Je suis certain que vous le saviez, que vous le savez et que vous le saurez tout le temps. Hey, avez-vous, il y a comme un transfert de conjugaison. C'était beau, c'était harmonique, c'était pas... Non, ça, on sentait pas la saute, comme on dit au cinéma. La saute, c'est quoi? En anglais, c'est un jump cut. Jump cut. Le grand jump cut. Ami de Billy Ryder. Billy Ryder, celui qui faisait ses propres cascades, hein? Il mâchait de la gomme. À mâcher. Mais c'est sûr que c'est pas de la gomme, je sais pas quelle gomme tu pensais. Ah, la gomme à effacer. Non, non, c'était de la gomme à mâcher. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Puis mieux connu sous le nom de la gomme qui fait des bulles. Ah ben, hey! Tu m'en diras tant. Ben, je peux t'en dire autant que tu veux bien entendre. Là, en entendre et entendre. Entendre quoi? Entendre ce que je veux dire. Ben, je vais absolument rien dire. Non, mais c'est pas toi qui dois dire. C'est moi qui veux dire. Est-ce que tu veux que je te parle des choses que je veux te divulguer? Ben, c'est difficile, là, à soi. T'es au corps de tour? Non, mais non. Oh non, oh non, je suis à double amour. Double amour parce que, de un... On a essayé de m'enfermer. Tout le côté anarchiste de ma pensée à double amour. Mais j'ai dit, ah, c'est très mauvais parce que moi, là, écoute, que tu le barres, tu débarres. Je peux me fuir de partout. De la cheminée, de la fenêtre, de la porte, du sous-sol. Du sous-sol. Je connais quelques, oui, intras, vous savez. Puis c'est eux qui animent avec moi quelques émissions qui sont extraordinaires. J'ai essayé d'en appeler quelques-uns ce soir. J'ai eu pas trop d'appels parce que c'est la fête des intras aujourd'hui. Vous saviez pas? Ben voyons donc! Le 24 août! Le 24 août! Hein, hein, c'est la fête des intras! Vous aviez manqué des sons? Ouais. Il y a trop de salive dedans. Faudrait que je fasse mon émission avec un... Oui, un masque. Mais là, le masque-là coule sur ma peau. Le masque-là ne veut pas tenir. Le masque-là est comme l'élastique. Il pète en pleine face du verbe péter. Premier groupe. Sans aucune senteur. Dépendant du pétage. Tu connais... Ah, non, non, mais ce qui pue, c'est pas le pétage. C'est le rouspétage. Hey, oh, Madeleine, 21 turnaround, 3 semaines de brosse, 3 semaines d'albosse pour 7 jours dans tes bras. Du fin fond du Québec, je rêve chaque soir à toi. On vit pas pour tout de suite, on garde ça pour plus tard. Mais crois-moi, un jour, ça vaudra son présent d'or. Dans un petit paradis sur le bord de l'eau. Dans un petit paradis sur le bord de l'eau. Dans un petit paradis sur le bord de l'eau. Dans un petit paradis sur le bord de l'eau. Un jour, je vais faire un hit. Pas juste un hit d'acide. Je vais topper le palmarès. Tu verras pas tes yeux, je vais perdre 30 livres de graisse. Je vais t'acheter des flat screens, une cuisine Ikea, des Living the Dream en deux swipes de pizza. Un petit télévisuel du dimanche soir. Je me rappelle, moi, quand il y avait rien que trois bosses à la TV, dans ce temps-là, la péninsule acadienne puis tout le nord du Nouveau-Brunswick, on regardait les beaux dimanches. Mais depuis qu'on n'écoute plus la TV avec des oreilles de lapin, c'est plus pareil. Le poste d'histoire nous montre des shows à l'âge de troc, puis le poste de musique, c'est rien que des shows de des vidéos de YouTube avec du monde qui prennent des débats. Le beau grand rendez-vous du dimanche soir, c'est plus comme avant. Le beau a évolué. Le beau s'est rendu des concours de chant. Pis c'est là que Kevin a pris son inspiration. C'est pas de sa faute. Ces émissions-là sont assez bien bâties. Ça te pointe par les émotions à tout coup. Avant d'aller plus loin, tout se passe bien. L'émission est à la mesure de la démesure d'errance rénaldienne. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser de l'émission du 3 août. Il y a eu un problème au niveau du montage. Et pendant 29 minutes, il y a eu un chevauchement de deux trame audio. Donc, c'était plus que psychédélique pour mon ami Arnold Beutel, mais je rediffuserai tout ça le plus tôt possible. Et ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un musicien psychédélique, un être extraordinaire que j'adore. Et cette rencontre-là s'est faite en deux volets et ça s'est terminé la semaine, pas la semaine dernière, mais le 10 août avec vraiment là, quelque chose de très à point Allô? Oui, grand-maman. Oui, j'explique un petit problème technique qui s'est passé. Non, c'est pas l'an passé, là, c'est il y a quelques semaines. Au début du mois, ben on est rendu au mois d'août, grand-maman. De quelle année? Ben c'est 2020. Puis vous, ça va bien, hein? Oui? OK, votre garçon est venu vous chercher pour aller à Natashquan. Ah non, c'est pas non, ça va le brillant. Ah ben, voyons. OK. Avez-vous passé un beau voyage? Avez-vous fait un beau... Oui, c'est loin, hein, en voiture. Ah, vous avez chanté des chansons. Ah, mais c'est le meilleur. Mais c'est vrai. Puis, il faut se le dire, c'est le meilleur moyen de se divertir et puis de passer de bons moments dans un véhicule pour nous amener au point A, au point B. Puis, quelle chanson vous avez chanté, grand-maman? Ah, oh, les classiques, hein? On entre 4 par 4 en frappant. Là, j'ai pas de gargette. Ah, ben attendez, mais il m'en reste une. Ah, OK, allez. C'est pas des Caracas, c'est des Benadryl. Oui, j'ai des allergies. On y va. J'espère, après ça, quand je vais l'ouvrir, est-ce que ça va être des miettes de Benadryl? En tout cas, on s'en fout, c'est pas grave. Je ferai la pesée. On entre 4 par 4 en frappant du talon. Ah, ah puis je tiens à m'excuser, hein. C'est pour ça que la rediffusion aura lieu le plus tôt possible. On entre 4 par 4 en frappant du talon. On entre 4 par 4 en frappant du talon. En frappant du talon, la destinée, la lose au bois. En frappant du... Non, parce que je veux faire une voix off et une voix on. Non, une voix extra... Je vais m'expliquer d'avant. Pour avoir un son hein, de plein et de contre-plan, c'est-à-dire éloigné et près. Vous savez qu'il y a un album de David Bowie qui a été construit comme ça, qui s'appelle Low. L-O-W, Low. Et le mixeur, dont écoutez, c'est une sommité. On va l'appeler Monsieur Sommité. Monsieur Sommité, lui, a eu l'idée de placer devant David Bowie deux micros, un tout près de sa bouche, à peu près en centimètres, 10 à 12 centimètres, et à un pied un pied et demi, un deuxième micro. Donc, lorsqu'il propulse, il bouche le premier micro et c'est le deuxième que l'on a. Et puis au montage, ben ça s'est tout fait au montage, mais il avait gardé les deux trames, un peu comme j'ai fait pour le 3, mais moi j'ai oublié d'en enlever une. J'ai enlevé deux. Puis en 800, on est rendu quoi là? 806 émissions, 807. C'est la troisième fois que je commets ce crime odieux. Parce que c'est un crime odieux. Pour l'artiste et aussi pour les auditeurs. Et encore là, pour la dernière fois, parce qu'on ne fera pas ça pendant 2 heures. Non, mais en même temps, il ne reste plus 2 heures. Le temps passe et trépasse dans un temps d'angoisse. Pardon? Vous ne la connaissez pas, celle-là? Ça fait partie de mes grands succès. Ouais, mes expressions que j'ai moi-même inventées. Juste pour votre plaisir, je vais vous... Oui, non, j'allais dire oculaire, mais c'est pas aux yeux. Oui, c'est aux oreilles. Auditif. Juste pour votre plaisir auditif, je reprendrai cette phrase. J'y vais. Ah, j'y vais. Êtes-vous prête? Ben voyons donc, vous êtes tremblotante. C'est que... Prenez des notes. Là, ça a l'air bizarre, non? Parce que j'essaie de me remémorer ce que j'ai dit. C'est un classique, mais ça vieillit. Hein? C'est poussiéreux un peu, là. Et c'est celle-ci, là. Ah, un peu, là. Et je l'avais tantôt. Là, je sais que dans vos têtes, là, il s'en souvient plus. Moi, je m'en souviens. Je m'en souviens, mais pas dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, j'ai plein d'affaires là-même qui passent comme ça au premier degré. Tu sais, à la première inspection, ça va. À la deuxième, c'est moins. C'était quoi? Puis surtout en direct, c'est plaisant. Hein? Les gens t'écoutent, puis ils disent, oh non, il va s'en souvenir. C'est du spectacle. Hein? Voyons donc. Il fait juste nous titiller. J'aimerais bien ça que ce soit du titillage, madame. J'aimerais bien ça que ce soit du titillage, monsieur. J'aimerais bien ça que ce soit du titillage, mademoiselle. Mais ce n'en est point. Ben, écoutez, on va passer à autre chose. Les radis sont cuits. Oui, c'était une très mauvaise façon d'apprêter le radis parce qu'il n'aime pas ça se faire cuire, lui. Il se mange cru. Qui l'eût cru? Ben, le perle du cru. Connaissez-vous le perle du cru? Qui lui a répondu avec du radis cuit, votre vie n'est pas reclue. Cherchez une rime avec l'ustugru. C'est sûr que la chanson, c'est plus facile, là. Le père l'ustugru lui avait répondu avec la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du train. C'est bien facile, c'est déjà existant. Puis, il y a des moments où l'improvisation arrive toute seule, comme le fait un dimanche. On va mettre ça un dimanche parce que ça vaut la peine de placer ça à un moment où tu vas être tranquille. Alors, t'es couché. Yeah! Yeah! Vous êtes des hosties pour en vie. Vous voulez pas me suivre? Je suis chic et barra acadien. Je suis pour soleil, pour soir réincarné. I'm gonna fuck shit up all the way to the bottom. Come on, boy. Come on, Blizzard King. Go. Hey. Don't wanna live fast and die young. Stop running. Hey. Stop running. Hey. Les hôtesses d'Hilaire ont reçu 36 000 piastres. Hein? 35 944 dollars, très exactement. 35 de l'argent de nos taxes provinciales, ouais. Nos impôts. Et ça, c'est de. C'était financier, des subventions québécoises. Oui. Ce qui est le fun avec les hôtesses d'Hilaire, c'est un groupe acadien. Le gars porte un drapeau. Ça fait que non seulement ils sont pas bons, mais ils sont laids. Oui, le samedi, c'est immonde. Hey, hein, on rencontre du monde le samedi, hein, puis pendant la nuit, on essaie de se remémorer qui on a vu, puis le dimanche, ben, on récupère. Mais là, c'est à ce moment précis où tu veux dormir que ça sonne à la porte. Alors, on va faire le sonnerie à la porte, on a le budget. Ding dong! Mais moi, ça fait pas ça, moi. Non, j'ai coupé... En fait... J'ai pu harmoniser sans le... Je sais même pas comment j'ai fait ça, mais c'est en jouant avec la cloche. Ça fait « gong, gong », mais un bruit sourd. Donc, une seule fois, pas « ding, dong », parce que ça m'énerve. Là. Quand il y a de la réverbération, là, on n'est pas dans une église, dans une cathédrale. Bon, je veux avoir un son un peu comme... Bon, je sais que quelqu'un a sonné. S'il ressonne, ça refait ça. Fait que ça me dérange pas. Mais si c'est ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Eh, monsieur, là, j'ouvre la porte, déjà avec le couteau bien aiguisé, il dit « Vas-tu arrêter de sonner? » Puis là, tu te rends compte que c'est malheureusement le facteur avec son petit colis qui tremble la tête. « Ouais, mais c'est juste pour vous donner ce que vous avez commandé. » Mais c'est pas moi qui ai commandé. Ça, c'est quoi? Oh, je sais pas. On n'a pas le droit d'ouvrir de boîte, de colis, de lettres. Oh non, non, on nous interdit. Ah. Mais c'est quand même, monsieur, là. Non, mais là, je vis des moments difficiles. Puis le dimanche, quand, depuis quand vous livrez le dimanche? Ah, depuis qu'on est surchargé. Surchargé? Ah oui, on a beaucoup de travail. Ben voyons donc, vous. Voulez-vous me prendre un petit café? Ah non, j'ai trop de travail à faire. Puis si j'arrête de prendre des petits cafés un peu partout, ça va m'être stressé, puis je pourrais pas dormir ce soir. Oh, vous avez raison. Vous êtes sage. Merci beaucoup. Et puis désolé de vous avoir réveillé un dimanche. Eh bien, comment ça? Est-ce que j'ai l'air d'avoir été réveillé? Oui. OK. Bon, mais merci, monsieur. Puis est-ce que je peux vous donner un pourboire? Ah, vous n'avez pas le droit. Je payais grassement. Oh, mais vous travaillez pour la poste? Oui. OK, vous n'êtes pas privé? Ah non. OK, parce que les privés, oh, c'est pas très gras, là. Même c'est pas gras du tout. Ça manque de goût, parce que ce qui donne le goût, c'est le gras. Alors, cet avertissement-là, ben, c'est pas un avertissement, c'était uniquement pour m'excuser auprès de mon ami Arnaud du 3 août d'avoir placé une double piste pendant 27 minutes. Donc, ça donnait un truc plus que psychédélique. Même Jimi Hendrix en revenait pas. Il s'est réveillé, a ouvert son tombeau, comme c'était obstrué par la terre. Hein, il est quand même très fort, là. Il l'a surlevé, puis avec une petite cuillère, il grattait. Il grattait, puis s'est rendu à surface. Hey, il monte, il se lève la tête. Il est dans un cimetière. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jimi Hendrix n'était pas un anglo-saxon. C'était un francophone caché. Il était caché! qu'on se le dise, là, j'espère que lorsque vous irez dans votre pause café tout à l'heure, là, vous direz aux gens avec qui vous travaillez, savais-tu ça, toi, que Jimi Hendrix était québécois? T'es-tu malade, toi? Voyons donc, il faisait l'hymne national, le temps. Jimi Hendrix, gratte avec sa cuillère, la tête levée, puis dans sa caboche, dans son ordinateur neurosim, il n'y avait que ce rythme-là, donc on peut pas dire que Jimi Hendrix n'était pas un États-Unien. Ouais, pourquoi il, monsieur à la radio a dit c'est un Québécois? Parce qu'il veut tout amener de son côté, lui! La brune, c'est de la marde, pis si tu m'as fait lire, j'y pas non. Ouais, la brune, c'est de la marde, pis si tu m'as fait lire, j'y pas non. J'aime la brune, j'haïs la brune, j'peux pas bander, pis j'peux pas chanter. La brune, c'est de la marde, pis si tu m'as fait lire, j'y pas non. Non! J'aime la brune, peux pas me la fermer. J'haïs la brune, pis j'peux pas chanter. La brune, c'est la mort, puis si tu m'as fait lire, je dis pas non. Non, j'aime la brune, un autre titré. Oh ouais, bébé, écoute-moi chanter. La brune, c'est la mort, puis si tu m'as fait lire, je dis pas non. Non, non, regarde les clavieristes, regarde les clavieristes. C'est un malade, c'est de l'eau, quand c'est toi, comment ils sont vite. J'ai les guitaristes, c'est mal en plus, c'est une manche. On est comme les deux doigts d'un arbre jusqu'à là. On s'en va jusqu'au top, un go. Hey, check le bassiste, comment ce qui est beau. I'm a rocker, on est vraiment. On mange jusqu'au top. Allez boys, on est ensemble, allez boys. Allez boys. Hey boys. Un autre titulé. Hey boys. Jimi Hendrix, un Québécois, voyons donc. Félix Leclerc, lui, c'est un Portugais. Ben là, je sais pas, moi, Portugais. L'île d'Orléans, c'est au Portugal. Ben oui. Oh, ça a été transféré? Ben oui, en hélicoptère, hier après-midi. Hein? L'île d'Orléans a été transportée au Portugal. Ben oui, vas-y voir. Vas-y voir. Ben là, si j'y vais, c'est sûr que je vais le voir. Mais le pont, est-il encore là? Ben non, ils ont transporté le pont. Et pendant la nuit. Ben oui, tout se fait pendant la nuit. Quand tu veux pas payer ton loyer, toi là, t'en vas-tu en après-midi à 2h15, à 14h15, un mercredi? Ben non. Tu y vas à cette heure-là, là. Même t'attends 3-4 heures, t'écoutes tes rances rénaldiennes, t'sais. Tu t'enfiles 3-4 bières parce que t'as pas le courage de partir là, sans payer ton propriétaire qui, lui, va être les culottes à terre puis le portefeuille aussi. Alors, ils ont tous fait ça. À un moment où tout le monde dormait, ou presque. Les médias n'étaient pas aux aguets. Donc, l'île d'Orléans, madame, mademoiselle, monsieur, ne se trouve plus à l'île d'Orléans. Il se trouve ailleurs. Et ça, ailleurs-là, c'est bien plus loin. Hey, tu pouvais avoir un plaisir fou un samedi. Tu prenais ta petite voiture. Tu faisais tu préparais un petit pique-nique. Alors, tu avais ton petit panier en osier dans lequel tu avais déposé une belle bouteille. Une bonne bouteille. Une belle puis une bonne. Puis il faut qu'elle soit belle et bonne. C'est pas belle et pas bonne. Puis c'est pas bonne et pas belle. Bon. Ça, c'est partout, hein? C'est pas juste pour les bouteilles. Et puis, donc, puis la beauté, c'est à l'intérieur, hein? C'est pas à l'extérieur. Et puis, c'est la même chose pour le goût. Hey, c'est important de dire ça, là. Quand tu l'ouvres, ça fait... Là, le fumet, on appelle ça un fumet dans le milieu. Il y a un fumet qui s'attire et qui s'étire vers le haut et ton nez attrape un filament olfactif des plus séduisants. Alors, c'est cette bouteille-là que tu mets dans ton panier à pique-nique. Ensuite de ça, c'est deux petites sandwiches. Bon, il y en a une au beurre d'arachide parce qu'elle ne mange pas n'importe quoi. Hein. Ah non, ça m'a pris 2 semaines pour le savoir. Elle ne mange pas n'importe quoi. Et puis, moi, j'ai toujours dit que j'étais pas n'importe quoi. Hein? Mais pas d'autre chose. Elle est VG. Elle est anti-bœuf, anti-veau, anti-poulet. Peut-être anticonstitutionnellement, mais je sais pas si c'est de la viande, cette affaire-là. C'est-tu vraiment... Lui, c'est l'encyclopédie à quatre pattes. Ouais, parce qu'à cette heure-là, il est à quatre pattes. Ah, bon, ah oui, il perd le nord. Puis même, il peut se lever comme le serpent. Donc, là, il est à quatre pattes. Quand il se lève, c'est le dernier moment. 15 minutes après, il va se coucher. En fait, il va ramper jusqu'à son lit. Puis là, ils lui ont préparé, tu sais, une petite glissade, mais vers le bas. Fait que il se laisse aller la bédaine. Et wouh, il remonte vers le haut parce que c'est tout... on a pensé à tout. Ben voyons donc, toi, son ancienne copine avait acheté des tonnes et des tonnes de lubrifiants. Ah ben oui, mais écoute, ça témoigne qu'elle ne lubrifiait pas. Mais on met ça sur sa petite... Ben, c'est pas un escabeau, là, j'ai dit une glissade. Alors, tu mets ça sur sa glissade, là, puis fring, ça glisse, ça self-plaise. Hein? C'est soit ça une pelure de banane, mais la pelure de banane, c'est juste quand tu mets ça sur le sol. Le riz, j'ai essayé sur le riz, là. Ah, ça glisse pas. Mais c'est une note difficile, le riz. On dirait que le sol, c'est plus facile à chanter. C'est-tu le sol qui est plus facile à chanter? Do et do et la pandore, rayon de soleil d'or et nous rappelons à do, do, le sol et la pandore, rayon de soleil d'or. Si c'est la moitié de. La moitié, c'est pas. La moitié. Ouais, la noyée est moitié. Ben, voyons donc, vous dites que la moitié est noyée? Ben, ah, oh, ben, il n'a jamais dit ça. Ça reste secret. Il y a plein de choses comme ça qui restent secrètes. Et mieux vaut pour notre intégrité mentale. Parce que le mental prend des chutes actuellement. Ça prend des chutes, mais ça a toujours pris, hein? Puis, il suffit de trouver un alibi pour que la personne dise, « Ah, oh, non, moi, c'est mental, moi, là. Hey, t'es problème mentaux, mental. En hiver, mentaux, ça va bien, c'est chaud. » Mental, puis manteau en été, c'est trop... Ça sue. Ça suscite l'intérêt des psychologues, de tous les sociologues et tous ceux qui veulent aider ces souffrances-là à reprendre l'équilibre mental nécessaire pour poursuivre à vivre heureux. Aimez-vous ça quand j'ai raison, je me frappe sur la cuisse, moi. Hein? J'ai de la cuisse qui aime bien ça accueillir des... Oui. Mais tu sais, c'est des petites claques là, de récompense. T'as raison, mon champion. C'est comme applaudir, mais avec une main puis une cuisse. Fait qu'en spectacle, moi, je prends pas mes deux mains. Dans un, j'ai un micro, puis dans l'autre, ben j'ai l'autre main, règle générale. Là. C'est pas occupé. te sens seul au monde, hein? Même si t'es la maître de l'univers. Peut-être que tu me replaces pas comme ça, mais y'a des grosses chances que tes parents ils t'ont conçu sur une de mes vieilles chansons. Des années 80, tu sais, ça a explosé pour moi. Un big hit que j'ai écrit sur une napkin sur le coin d'une table en 10 minutes sans me forcer. Des fois, c'est quand t'essayes pas trop fort que ça marche. C'est fucké pareil, la vie. Ah là, je te comprends, tout le monde tire sur ta couverte. Ils veulent que tu vendes les produits. Ils veulent prendre des photos, on appelle ça des selfies aujourd'hui. Ils veulent des autographes sur le bras, ça finit pas. Ça perd son charme à un moment donné. La gloire, mon Kevin. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une opinion sur toi. On dirait une affaire. Les bonnes comme les mauvaises. Un conseil, faut que tu les ignores, man. Sinon tu viens rempli de toi-même. Ou pire, tu pourrais plus en toi ni en ce que tu fais. À un moment donné, ça finit par te trotter dans la tête. Tu cours après tes pensées qui roulent un peu trop vite. Pis là, t'es plus capable de décrocher. T'es prisonnier. Si un jour t'es tout seul pis que t'entends encore la foule crier ton nom, j'ai quelque chose pour toi. C'est organique, c'est organique, c'est organique, c'est fongé, un peu psychédélique. Mais faut pas que t'en prennes. Ça va pas te clencher en cochon, ça va pas te démolir. C'est juste, tu sais, comme une clé pour débarrer les portes dans ta tête. S'il y a trop de bruit, puis que tu t'entends plus penser, puis que t'es rendu à t'ennuyer de ta propre voix, ben essaye ça, cette affaire-là, mon grand. Justement, tiens, ça commence à être trop loud ici, mon Kevin. Faut que je fly, faut que je fly, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille, faut que je décrisse, faut que je décrisse. Ah, peut être occupé, là. Ah, ben oui, occupé à chercher le portefeuille. Ça coûte 5$, oui, mais... 5$ pour votre bière, madame! 50$! C'est quelle sorte de bière? Que c'est... J'ai commandé quelle sorte de bière, moi. J'étais... C'est... 0,5 ml de champagne! J'ai pas commandé ça, moi! Ben, je suis à table 17, exactement, c'est écrit 17, mais j'ai, en plus, ce qui m'intrigue, je suis même pas parti pour aller aux toilettes, donc c'est personne d'autre que moi qui a commandé ça. Avez-vous remarqué que j'avais peut-être perdu le nord à ce moment-là? C'est pas votre travail, bon. Non, mais le spectacle est trop bon en avant, moi, bon, OK, j'ai accepté. M'en vous payer, m'en boire ça. C'est-tu buvable, ça, là? C'est de la veuve Kéliko. Elle s'est veuve, elle a fait mourir du monde, elle-là. Là. C'est Marie. Elle a eu combien de maris, cette veuve-là? Jamais assez. Bon, OK. Vous avez une formation, vous, en vise? Vous êtes un joyeux raisin? Blanc ou rouge? Oh, vous êtes une rosée. Une rosée du matin? Oh, comme je les aime. Si je vous donne un petit pourboire de plus, on peut-tu parler après le spectacle, madame? Non? Oh, votre mari est couché, puis les enfants vous attendent. Bon, êtes-vous sûr que c'est pas l'inverse? C'est pas là que le bas blesse? Non. Oh. Non, mais je vous crois, moi, là. Comme... Ben oui. Comme Barabalas dans la Malion. Barabalas dans la Malion. Malion. En Indochine. Balabalas, le grand Balabalas là, qui a écrit les chansons populaires « Je ne suis » et « Pourquoi pas »,« Revenir avant »,« Partir plus tard ». Vous ne connaissez pas ça. Il a écrit 532 belles chansons de 2 minutes et moins. Parce que 2 minutes et plus, il dit que ce n'est pas standard dans la radio. T'sais. Puis en plus, c'est un punk, c'est un punk, c'est un punk. Lui, hey, le punk, le punk. C'est tellement vrai que lorsqu'il avait... Oh, c'est facile, mais on aime ça, c'est facile, là. Sinon, on ne serait pas ici. Là. lorsqu'il avait juste l'impression de vouloir uriner, il y a une phrase classique. Là, tout le monde riait à la fin. Bon, on l'encourageait. Bon, c'est sa blague. Il dit « L'envie pi-ping-pong. Ah, l'envie pi-ping-pong. Ping-pong, l'envie pi-ping-pong. Pong le punk. Punk. Hey, vous n'avez rien compris. C'est un courant musical de punk, madame. Madame, madame, madame, que c'est beau juillet sur Paris, madame, madame, madame. Non, c'est, oui, vous la connaissez pas? Ah, moi non plus. Mais c'est une invention du moment, là. Fait que ça existe, non, ça n'a jamais été indiqué. Si oui, je vais avoir le cachet, moi. Là. Donnez-moi un petit peu de cachet. Non, mais pas le cachet, non, je ne vais pas dormir. Ouais, c'est, non, c'est pas ce genre de cachet-là, c'est des sous. Wow, je sais que Marilyn Monroe, elle des cachets, amenez-moi des cachets, allez, des cachets. Ne décachetez pas les cachets, je vais les ouvrir moi-même. Je suis autonome. Ouais, autonome, autonome. Elle avait plus de cheveux, sa caboulette. Hey, c'est dur d'être un sexe symbole. Mais c'est dur aussi, quand t'es constipé, de rester 20 heures, ça abole. C'est beau, ça, hein? Ah, c'est de la poésie urbaine. Ah oui, c'est beau. Pauvre Marilyn, sœur chagrine, tu sais, je te ressemble un peu. Non, il y a une suite, mais ça, c'est mon rire d'innocent. elle l'aime. Ben, tout le monde aime mon rire d'innocent parce que ça rejoint beaucoup de personnes. Sauf les gens qui m'écoutent. Parce qu'ils ne le sont pas. Et c'est ce qui me plaît et qui me rend heureux. Donc, nous allons vous présenter mon invité, comme le disait R2D2. Non, R2D2, je faisais blablabla. R2D2, on ne sait même pas s'il parlait. C'était des sonorités que personne ne connaissait. Mais uniquement R2D2, C3PO. Je vais m'écouter ça, Star Wars. Moi, C3PO. Oh, C3PO. Ces trois pédos attendent leur circonstance. Non, c'est trois PO. Attends, on va aller voir, on va aller voir. On ne dit pas n'importe quoi à notre clientèle. Là. On les aime puis on veut qu'ils enrichissent leur vocabulaire et leur connaissance. Mais là, c'est pas le vocabulaire. C3PO. C3PO. Pas zéro. C3PO. Je vais écrire Star Wars parce que ça ne fonctionne pas. Star. Avoir toujours le teint blafard à force de se coucher tard. Voilà ce que c'est qu'être star. Alors, C3PO. C3PO. Ils disent même pas. Voyons donc. C3PO. Même, ça ne s'écrit même pas comme ça. Non, non, non, non, non, non, non. Entre le instant, être star. S'ils nous montrent des personnages de... Même si je connais pas ça. Je connais le bonhomme là avec la. Ah, ah, il est là. Je le vois. Il est en métal. Là. Je suis. Ah oui, ok. C'est... Ben, j'ai raison. C'est CPO. CPO qui? C'est. Hein? J'ai vraiment entendu ça dans Star Wars, cette affaire-là. CPO. Ah, C3PO. Attends un peu. Ah, C3PO. C trait d'union. 3PO. Aujourd'hui, l'ingrédient de base, c'est les réseaux sociaux, bébé. You gotta post your shit! tu leur racontes ta vie en pixels. Faut que tu sois présent tout le temps. Puis quand tu leur parles, parle-leur comme si c'était tes chums. You gotta be live all the time. Les chansons, la musique, c'est secondaire. Avant tout, bébé, c'est les likes et les follows. And the only way to get them is by posting your shit. Faut que tu prennes des photos de tes repas. Post the shit. Si tu te trouves chez les AA. Post the shit, identique. Quand tu fais un soundcheck. Post the shit. Quand tu fais une belle entrevue. Post the shit. Quand tu t'achètes une nouvelle guitare. Post the shit. Si tu te trouves avec des gens connus. Je pense que j'existe. Like, ding, ding, ding, ding. Je pense que j'existe. More likes, more money. Je pense que j'existe. Tu sens-tu ça? C'est ton routeur qui se chauffe. Ça va exploser. Like, bling, bling, bling. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! String! Bonsoir, comment ça va? Là, vous avez peur, l'émission recommence. Mais non, c'est une blague. J'ai voulu, ce soir, pour mon avant-dernière, placer deux fois le générique dans la même émission. Y a-tu déjà fait ça dans le monde, madame? Ben voyons donc. Il y a quelqu'un qui a osé, pendant 2h30, uniquement faire jouer son générique en boucle. C'était où, ça? À Berlin. Oh, ben là, Berlin, j'ai rien à dire parce que c'est là où le niveau artistique culmine. Ne cherche même pas sa trace. Elle l'a fait pour les autres, pour que tout le monde puisse se sourcer dans cet univers. Donc, Berlin. Comme disait Bertrand Cantat, Berlin, l'enchanteresse. Alors, aujourd'hui, ben c'est pas pire hein, d'avoir fini par le générique avant de présenter mon invité. J'ai juste des bonnes idées. Mais ça se passe assez carré. Ailleurs, mes idées sont pas trop validées. Mais bon, je prends ça comme ça. Hein? Non, je suis en train de pleurer, mais je m'époumonne un peu avant. Ça fait moins féminin. Je lance tout le temps des affaires. Les rattrapes-tu? Oh, régulièrement. Dans ta tête? Dans ma vie, dans mes rêves. Aujourd'hui, on va arrêter de vous dire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est le lundi 24 août 2020. L'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la comédienne. Elle est auteure, metteur en scène, une épicurienne, une femme curieuse, une mère. Elle a autant de rôles dans la vie que d'intelligence et que de beauté langagière et une fille impliquée. Une fille qui a des idées. Une fille qui aime réfléchir sur notre temps, sur notre actualité, sur la vie des femmes, des hommes, des enfants. En un mot, c'est une fille de tête. Et c'est merveilleux de l'entendre. Et ce que je vois en elle à chaque fois que je la rencontre, c'est mon côté un peu lunatique. Parce qu'à chaque très souvent, elle me dit « Ah, salut Rénal !» quand elle arrive. Puis je la vois pas. Ou je oui, je la vois, mais je suis dans mes pensées. Vous l'entendrez. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, cette nuit, en ce début de nuit, je vous propose avec grand plaisir et grand délice mon amie Aline Stinus. Demain sera notre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie nous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, on nous dira demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain j'arrête c'est promis. Demain, demain, toujours demain. Demain c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain ceci. Demain cela. Demain, demain, toujours demain. Demain, demain, demain, j'entends que ça. Demain, demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh qu'ils sont nombreux les demain. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Non! Je suis éteint, mais là, toi, tu m'as vu? Mais oui, je t'ai vu. Ah, ben oui, tu m'as vu arriver. C'est ton nouveau sujet? Pardon? Oui, c'est ici. Non, non, non, mais parce que je ne vais pas emmerder tout le monde dans le train, donc je change. Parce que si je vais trop souvent au centre, ça va. Ça te fait aussi aller dormir? Ben, un peu. Et tu veux pas qu'on se mette sur le côté là-bas? Comme tu veux. As-tu trouvé quelques repas? Je t'attendais. Non, mais. Comme tu veux. Oui. Ça fait même drôle. Tu préfères aller à l'intérieur? Comme tu veux. Non, comme tu veux. Je te laisse. Ben, j'ai aucun. Ben, parce qu'à l'intérieur, il y a de la musique. Ouais. Ici, c'est là, ça va pour les voitures. Ouais, ici, c'est merveilleux. Ouais, bah alors. Ok. Là? Ok. Ouais. Alors, ça a été. C'est vraiment à l'arrache, hein? On s'est rencontrés au dernier moment. Parce que c'était pas prévu vraiment de. Mais non, mais moi, je voulais juste te voir. Ah, oh, oui, oui, ben oui. Je voulais pas te bloquer un. Ah, non, non. Créneau, hein? Ah, ben au contraire, voyons donc. On va parler de ton projet. Parce que tu m'as envoyé un petit lien. Mais oui, mais parce que t'étais là. Oui. C'était okay, dimanche, voulais... c'est passé. Ah oui, oui, ok, je pensais que tu voulais que... Je m'en rends compte. Mais non, je voulais que tu viennes. Ah non, je pouvais pas. Ben, il n'y a pas de problème. Désolée. Ben non, attends. Parce que j'avais vu que ça collait dans ton créneau. J'avais vu que ça collait dans tes dates à Paris. Donc, oui. Je t'ai invité à venir. OK. Parce que normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je prépare mon horaire, tout est prévu avant d'arriver. D'accord. Donc, les spectacles que j'ai en soirée, comme là, je vais aller voir Diana Krall à l'Olympia de Paris. Puis, j'ai organisé un mini-concert hier. J'organise un autre mini-concert vendredi. Et puis, ben, tout est déjà malheureux. Et je te l'avais pas donné en avance? Ben, moi, je l'ai vu la semaine dernière. Ah, ouais. Okay. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On a passé. Mais veux-tu que je prenne le micro ou si tu veux qu'on parle comme ça? Bah, garde le micro, de toute façon, que tu l'utiliseras ou pas si tu fais. Ok, excellent. Tu vois, tu prends. Je risque que je vais. On verra après. Hein? Ok, excellent. T'as maigri, non? Oui, ben oui. Parce qu'est-ce qui se passe? Aucun régime. Parce que je monte et je descends des marches à peu près une soixantaine de fois par jour. Pourquoi? Ben, dans mon lieu de travail, parce que j'ai changé de boulot. Donc, ça m'a permis de perdre un peu de bedaine, même si on dit qu'à la cinquantaine, c'est plus difficile. Moi, c'est au contraire, c'est à 50 ans, parce que j'ai toujours été grassouillé. T'as quel âge? J'ai 54. Et t'as rien changé à ton alimentation? Absolument rien. Je mange autant de chocolat que je veux. Mes pâtes alimentaires, c'est quoi? Nous dis pas trop ça. Oui, je sais, mais oui, mais... C'est déprimant. Monte et descends des escaliers, tu vas voir, ça vient tout seul. Ben, moi, je fais du sport, je suis hyper sportive. Hein. OK. Mais c'est ça, par contre, qui me permet de manger du chocolat quand même. Ah, moi... Non, moi, j'ai aucun... Non, j'ai... Sinon, ça va. Superbe. Depuis... Tu m'as fait une beauté. Ben oui. Depuis la dernière fois, tu avais beaucoup de projets, tu avais... On était avec... On était seul ou si on avait... On était avec Sonia. Sonia, oui. Tu m'avais demandé de lire le texte. La plume. Exactement. C'était la plume d'ange. Oui. Excellent texte. Très, très beau, effectivement. C'était... Claude Nougaro, c'est quelqu'un de très important. Mais nous, on ne s'est pas vus l'année dernière. Non, on devait, mais ça n'a pas coïncidé. Ah bon? On devait se voir? Ben, en fait, je te l'avais demandé, je t'ai dit que j'allais revenir avec une proposition et ça ne fonctionnait pas avec mes rencontres. Alors oui, effectivement. Oh, la semaine dernière, tu vois. L'année dernière, j'ai eu une fin d'année un peu... Personnellement, j'ai eu une fin d'année assez houleuse, assez tumultueuse. Oh. Et donc, je pense qu'à mon avis, j'ai dû renoncer... À regret, à te voir. Ah, ben oui, à chaque fois, c'est un bonheur. Mais des fois, surtout quand tu es dans ce milieu-là, il faut que tu travailles sur le côté artistique et sur le côté sentimental et sur le côté familial et sur le côté... C'est pas comme pour tout le monde, ça n'a rien à voir avec... Ben, ça n'a rien à voir, c'est que quand tu es dans la création, il n'y a jamais rien de stable. Tandis que quand tu as un travail, normalement, c'est du lundi au vendredi, de 15h à... Tandis que toi, c'est pas vraiment... c'est pas aussi, aussi précis que ça. Ou c'est ça le bonheur aussi, parce qu'il y en a qui veulent rien. Bah oui, mais en même temps, quand tu as une vie privée, une vie de famille, tu es bien obligé de répondre à des horaires aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, tu travailles dans les cases qui sont imparties. Ouais. Elles sont les mêmes à peu près pour tout le monde. Et tu essaies de cadrer ton travail artistique avec le travail... Et bien ben maintenant, j'ai la liberté, j'ai beaucoup plus de liberté parce que pendant 10 ans, en fait, je gérais de front effectivement le travail et la vie de famille où j'étais très impliquée parce que mon mari n'était pas présent aux horaires du quotidien. Et là, cette année, ça a complètement changé. C'était lui qui a pris le relais. Voilà, sur les horaires d'école, les activités, les rendez-vous chez le dentiste, enfin tout ce qui... voilà. Et effectivement, j'ai jamais autant travaillé. J'ai cette année, depuis qu'on s'est pas vu l'an dernier, mais cette année j'ai fait 2 créations de théâtre. Et des petites choses à la radio. J'ai tourné France Culture, je travaillais pour France Culture, j'ai fait 2 créations théâtre, j'ai fini l'exploitation de la Traviata à l'Opéra Bastille, c'était une production qui existait depuis 4 ans. J'ai tourné une publicité pour Optique 2000, enfin je te parle de tout ça, voilà. En vrac, en vrac. Mais voilà, mais ce dont je voulais te parler aujourd'hui, parce que je les ai vus ce matin, ouais. Et c'est en lien avec l'événement que je t'avais envoyé effectivement au Bar Bouquin, qui est un endroit qu'il faut que tu découvres si tu veux donner tes rendez-vous aussi les années à venir, okay. Le Bar Bouquin à Belleville. Et en fait, on a créé un réseau d'artistes, un réseau d'artistes féministes. Et on est à l'heure actuelle une petite trentaine de créatrices, principalement dans le domaine du spectacle vivant et de la musique. On a des plasticiennes aussi. On a des femmes qui s'occupent de la lumière, régie lumière, création lumière. Et j'aimerais beaucoup que l'année prochaine, on puisse organiser une rencontre avec toi et les collectives, donc ce réseau d'artistes féministes. Et là, on est en train vraiment, en fait, on a créé ça il y a un peu plus d'un an, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, on avait toutes, on se connaissait par le biais professionnel, et en fait, on s'apercevait qu'on avait toutes des projets qui étaient soit engendrés, créés par des femmes, soit qui avaient comme thématique effectivement la visibilité de la création féminine. Et on s'est dit que plutôt que de se mettre en concurrence, parce qu'on avait remarqué que par exemple sur des thématiques liées à la maternité ou liées au corps féminin, on avait toujours des programmateurs qui disaient « Ah ben oui, oui, ça m'intéresse beaucoup, venez le 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes ouais. ». Et donc, nous, on a envie qu'en fait, tous les jours, ce soit le 8 mars. Ben oui. Oui. C'est quand même la manière la plus simple de justement de réduire au maximum les discriminations de genre. Et on s'est dit plutôt que d'être en concurrence, on avait envie de se mettre en réseau et de créer des liens, et de s'entraider, de créer des liens. Et pourquoi pas aussi de faire appel aux unes et aux autres en fonction de nos besoins dans nos propres productions et autres. Et donc, pendant une année, on s'est réunis, on a mené des actions dans l'espace public, notamment ici, rue des Abbesses, autour de la journée de... Comment ça s'appelle cette journée-là contre les violences faites aux femmes. En général, c'est le 25 novembre. Et on s'est appuyé sur des textes écrits par une des collectives qui avait repris en fait des unes de journaux qui traitaient de féminicide, mais qui n'étaient pas appelées comme telles. C'est-à-dire, il y avait des extraits, enfin des exemples, par exemple, c'était... Un époux était très, très en colère contre sa femme, il l'a collée contre un mur, elle est morte, elle est décédée. Mais il n'était jamais question en fait de crime en fait. C'est le coq anti-coq, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coq, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, la coco plus dire ok. C'est le coq anti-coq, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coq, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, la coco plus dire ok. Coco coq, bourricoque, mange des bœufs à la coque. Mets ta belle mère en coque, joue au banco à Bangkok. Traduit Joyce en Languedoc, collectionne les gonocoques. Fous au karaoké, fais les trucs les plus loufoques qui te passent par la tosque. Mais fais ce qui est à toque pour dire non. À la coque, plus dire ok. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, à la coque, plus dire ok. Coque, coque, bourri, coque, fais des trous dans ton pain, broque, croque des pommes à la toque. Dès lors que toi dans les colocs, achète du neuf chez les broques. Pris un roc, change d'époque, figure ton perroquet. Fais des trucs et plus loufoques qui te passent par la cloque. Mais fais ce qui est à donc pour dire non à la coque, plus dire ok. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour te bloquer sur la coque, à la coque, plus dire ok. Anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, à la coco plus dire ok. Coco coque, bourri coque, mange tes staphylo coque. Adhère au poc, il blague le rock. Texte 5 à 6 au cloque, bois du Coca-Cola en boc. Faxe-toi à un vieux stock, à un prêtre défroqué. Fais les trucs les plus loufoques qui te passent par la classe. Que bébé, ce qui est un toque pour dire non à la coco plus dire ok. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué. Pour me bloquer sur la coque, à la coco. Coque, coque, bourri, coque, tu croques tes écono, croque, tes croques, même tes vieux que pour payer ta coque, un stock, joue les capitaines à donc, kayak sur l'Orénoque, baisse un coq, joue au hockey, fais des trucs et plus loufoques qui te passent par la cosque, mais fais ce qui est à donc pour dire non à la coco, plus dire ok. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour me bloquer sur la coque, à la coco, plus dire ok. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour me bloquer sur la coque, arrêtez de débloquer. C'est le coq anti-coque, le saint coq a invoqué, pour me bloquer. Sur la coco plus dire ok. Égalité de féminicide. Ça restait anecdotique. Ouais, c'est ça. Et donc on a lu ces textes. Ici. Oui, dans la rue des Abbesses. Ça a été filmé. D'ailleurs, on l'a sur notre page Les Collectives. Et on essaie d'avoir deux temps forts dans l'année. Donc au Bar Bouquin, parce que pour l'instant c'est notre QG, donc notre endroit où on se rassemble. Et on peut pas dire ça parce que ça devient comment dire administratif, ouais, mais ouais, en tout cas c'est l'endroit où on aime se retrouver. On était aujourd'hui ensemble et on essaie de créer des temps forts avec des cartes blanches au collectif, et on essaie de voilà créer des passerelles entre un atelier d'écriture féministe avec lequel on travaille. Oui, c'est ça. Oui, qui s'appelle Langue de lutte. Langue de lutte. Et moi, je veux bien un Perrier sans glaçon avec du citron. Moi, mon petit jus de fraise, c'est bien. Ouais, merci. Mais ces gens-là, mais c'est pas juste toi qui a été chercher ces gens-là, c'est eux qui se sont ralliés à vous. En fait, ça s'est fait, on se connaissait, moi on m'a fait la proposition, il y avait deux membres un peu fondatrices, et donc c'est Delphine Biard et Caroline Sahuké, qui elles-mêmes travaillent sur un spectacle qui s'appelle Speculum, qui s'est joué pendant plus de 4 mois à la Manufacture des Abbesses, qui va être repris. Voilà. Et moi, je travaille avec Caroline Sahuké, qui est la metteuse en scène de Tout sur le Rouge, donc un seul en scène que j'interprète, de Élise Thiébaud, qui est une autrice et journaliste contemporaine, sur le tabou des menstruations, des règles. Et si tu veux, chemin faisant, comme c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on avait des thématiques qui étaient assez proches et on était confrontés aux mêmes problématiques qui étaient « Oui, mais vous, vous travaillez uniquement sur le féminin, donc vous nous intéressez dans une programmation à ce moment-là, etc. » Et oui, on a déjà un spectacle qui parle des femmes, donc peut-être revenir l'année prochaine. Comme s'il fallait juste avoir un thème féministe, hein, et non pas plusieurs de front. Et le sujet était déjà emprunté, donc on ne pouvait pas en présenter plus. C'est ça. C'est ça. Et donc, on a effectivement... Il y a eu cette évidence qui est apparue de se dire, ben, on fait front commun, quoi. Et c'est comme ça que les collectifs sont nés. Et pour l'année prochaine, c'est en train de se structurer parce qu'on est en train de créer différents pôles. Le pôle, par exemple, recherche de partenaires, le pôle essayer de réseauter dans les milieux justement féministes, mener des actions, et continuer ces deux temps forts annuels au Barbouquin avec des thématiques. Là, on vient d'en faire un, celui auquel je t'ai convié, ça s'appelait Les collectives l'ouvrent. Donc, ouvrent leur bouche, ouvrent leur cœur, ouvrent leur texte, ouvrent leur création. Et à chaque fois, on essaie de trouver des thématiques. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reste quand même sur des choses assez féminines, mais on n'a pas envie de parler que de ça. C'est-à-dire que c'est une première étape. C'est-à-dire que là, il y a une nécessité qui fait que... Là, il y a maintenant le décompte, une urgence, exactement. Là, il y a effectivement 71 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année. Juste en France? Oui. Donc, il y a un rassemblement samedi 6 juillet à 17h, Place de la République, pour lutter pour contre... Pas pour souligner, mais pour... souligner, oui. Un rassemblement pacifiste, ouais. Évidemment. Ah oui. Mais voilà, pour l'instant, notre urgence, effectivement, c'est de donner une visibilité aux femmes dont elles ont été privées depuis quelques siècles. Donc là, notre urgence est là, mais c'est vrai qu'après, on va pas forcément parler toujours de thématiques ni liées au corps des femmes, ni liées à la vie, discrimination liée aux femmes. Mais en même temps, c'est un début. Exactement. On peut se concentrer sur tout et faire n'importe quoi, donc vous voulez commencer. On tire un fil et voilà. Pour l'instant, c'est celui-ci. Mais est-ce que ce regroupement-là était... Est-ce que tu le sentais... Est-ce que c'était pour toi une évidence? Est-ce que ça devait arriver? Au moment où ça m'a été proposé, oui, j'ai vu ça comme une évidence. Ça rejoignait à la fois mes propres recherches et ma démarche artistique. Oui, tu travailles depuis longtemps là-dessus. Voilà. Et pour moi, c'était un moyen de donner un écho et de m'appuyer et de rencontrer, de créer du lien et d'avoir plus de poids pour rendre visibles nos travaux de créatrice. Mais ce qui doit être intéressant aussi, c'est de voir que tu n'es pas seule à oui, combattre. Il y en a d'autres. Est-ce que, je ne veux pas non plus être sectaire, mais est-ce que les hommes ont le droit de devenir membres? Ah ben, tous les... Nous, on invite deux fois par an. On propose à des... Après chaque scène ouverte, donc là c'était après celle du 30 juin, on invite des gens, comme je t'avais invité, à venir nous rencontrer, à venir voir ce qu'on fait, et de lire notre charte, parce qu'on a créé une charte. C'est intéressant. Et si les gens sont en accord avec ça, de venir rejoindre les collectives et... voilà, toutes les contributions sont les bienvenues. Mais on n'a pas encore eu de demande d'hommes, mais justement, mais c'est ça, mais c'est à partir de ça, précédent. Ouais, c'est ça, c'est à partir de ça que je veux rebondir. Comme aujourd'hui, tu as une réunion avec ces gens-là. Hein, t'as une, aujourd'hui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas d'hommes, là. C'était juste vous, les femmes. Oui, celles qui sont à l'origine du mouvement et qui sont présentes et qui étaient disponibles aujourd'hui. Est-ce que les hommes sont bienvenus à ce genre de réunion? Absolument. Absolument. Et il n'y a personne qui s'est manifesté. Alors, quand on a fait l'action rue des Abbesses dans l'espace public, on avait un homme avec nous qui filmait. Okay. Donc, il a apporté sa contribution à notre action. Et c'est aussi comme ça qu'on passif, l'entend. Il n'était pas actif, il n'était pas dans le... Ah ben si, puisque maintenant, ce qu'on peut voir sur Internet, c'est son film à lui. Oui, donc, il a participé d'une certaine manière à cette action. Okay. Il n'était pas devant la caméra, il a participé à cette action. Okay. Toutes les contributions, encore une fois, sont les bienvenues. Voilà, ça c'était juste pour te dire, je voulais t'en parler pour qu'on puisse essayer de, oui, de convenir d'un rendez-vous l'année prochaine, oui, de faire problème. Une émission sur, oui, sur les collectives, parce qu'il y aura un an de plus et on aura structuré notre mouvement. Et... je monopoliserai un avant-midi ou un après-midi pour m'y rendre et avec mon micro, on va faire quelque chose d'intéressant, je te jure. Ben, avec grand plaisir, voilà. Sinon... Non, mais eh bien, je veux continuer sur les femmes parce que c'est ton sujet de prédilection et ça m'intéresse, mais non, mais attends. Attends, non, mais c'est pas les femmes en général. Nous avons perdu, nous, les amateurs de cinéma, Agnès Varda. Alors, on parle de femmes, mais elle, c'était une des pionnières contemporaines. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as été touchée par cette disparition-là ou, Bien sûr, après. Comme toute disparition, oui, après, c'est ce que laisse cet artiste. Mais moi, j'étais en tant que femme, de son travail, Agnès Varda a fait beaucoup, sans vouloir non plus prôner le féminisme, mais ses films en parlaient. Bien sûr. Donc, c'est une pionnière. Oui, exactement. Fait, oui. En quittant, en nous quittant, ben, c'est quand même une voix qui ne peut plus parler. Juste à... Oui, il reste encore ses films, mais il n'y a plus de production. Donc, c'est aussi la mort d'une certaine vision, d'une certaine époque. En même temps, sur les dernières années, avec sa collaboration avec J.R., elle travaillait sur plein d'autres thématiques aussi. Hein, donc voilà, elle avait un univers poétique. Je ne peux pas plus... oui, c'est un héritage, oui, c'est un héritage très important. C'est vrai qu'il y aurait quelque chose à faire. Effectivement. Au moins, ne pas oublier ce souvenir. Puis on m'a dit, quand j'ai parlé à une réalisatrice de cinéma hier, je lui ai demandé est-ce que la télévision a rendu hommage, parce que si Johnny Hallyday meurt, bien sûr que la télévision commence à en apparaître, hein, va utiliser. Mais il paraît qu'il n'y avait rien à la télévision, il n'y avait pas de... Mais sur Arte, ils ont passé ces derniers films. Oui, mais il n'y a pas de discussion, débat, de réflexion sur le travail. C'est bien beau présenter des films, mais il y a quand même quelque chose derrière ça, c'est pas... Oui, il n'y a pas eu de table ronde, c'est ça que je veux dire. Ah oui, j'ai pas suivi, je suis pas trop là, je regarde pas trop le, mais la télévision, mais oui, c'est possible. Ouais. Mais lors de vos rencontres, est-ce que vous allez peut-être utiliser Agnès Varda comme locomotive? Écoute, on l'a pas encore, abordé, ouais, parce que là, on a envie de travailler sur un court-métrage sur le thème de l'avortement. I said the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la. I know she work if I get you need a love. Well, I give my lady a sugar cane. She would like to really explain the only thing that bothers her. She like the flavor, but not the size. Like the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la. I know she work deep at the Trinidad la, la. Well, I give my lady a coconut. She would like for tears that, but the only thing that bothers her. Give her the nut and left the butt. Say the kitty bambo, bambo. Oh, la, la, la, la, la, la, la. I know she work in for the Trinidad la. Money in the yards of her Yankee dollar. watch any man call deep down low. Low, low. Ça revient dans l'actualité. Ouais. Aux États-Unis, je sais pas si tu as suivi, mais l'avortement est en passe ou est devenu illégal dans certains États. Mais le problème, c'est que les États-Unis, c'est comme beaucoup de. Il y a la peine de mort dans certains pays, mais c'est dans certains États, mais c'est pas. Mais c'est ça. C'est qu'en étant 52, hein, en ayant 52 États, ils n'ont pas les mêmes législations. Ils n'ont pas la même législation. Donc, ils se tirent dans le pied. Hein. Si tu commets un crime, je ne sais pas, à Chicago, ben, le problème, c'est que tu ne seras pas. Tu peux être condamné à mort. Tu sais, il y a des endroits où la peine de mort existe. Et si tu fais le même crime ailleurs où la peine de mort n'existe pas, ça va être une vie en prison, mais tu ne crèveras pas, là, on ne te fera pas mourir. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on devrait légiférer sur au moins une idéologie commune aux 52 États. Est-ce que tu comprends? On n'a pas à être plus dur dans un État et plus ouvert sur un autre. Il devrait avoir... Comme c'est grand, les États-Unis, je crois que le consensus n'aura jamais lieu, ou il n'y aura jamais de discussion. Puis c'est pas avec Trump que le dialogue va s'ouvrir, au contraire. Comment vous viviez les choses à Québec? À Québec, ouais. Sur quel sujet? De Trump. Est-ce que ça... c'est mondial, hein. Trump, c'est... C'est un fléau mondial. C'est épouvantable. Ben oui, mais c'est épouvantable. Mais en même temps, c'est les gens qui l'ont mis au pouvoir. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui l'a placé là. Il s'est pas... mis là par défaut. Ah non, c'est des gens qui ont voté. Donc, on est peut-être rendu dans un tournant, je ne sais pas où ça va mener. Mais je crois que l'évolution, on parle d'évolution, mais on se demande comment on peut évaluer une évolution quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en 2019. Parce que, au même titre pour les gens qui souffrent, les gens qui ont le cancer, ben là, on parle au Québec de légiférer sur le droit de mourir. Là, on va dans la dignité, sur... tu veux dire? Oui, ouais, le droit de mourir dans la dignité. Oui, dans la dignité, ah, ouais, le droit de mourir. Si tu as un cancer, si tu es dans un état végétatif, si tu es en France aussi. Nous, on tourne autour de ça depuis des années. Ben, nous aussi. La loi Leonetti, je crois. Oui, ben, ouais, mais nous, ça. Ils ont utilisé le nom de la personne, c'est ça? Leonetti, c'est un député, il me semble. Okay. Je ne sais plus de quel bord, okay. Mais je pense que c'est un mec de gauche. Mais oui, il avait, il y a eu, ça a été légiféré, en tout cas, un projet de... Mais au moins... projet de loi, en tout cas. Oui, mais c'est ça, on est loin de... On est loin d'une autorisation écrite, parce que les discussions, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais le problème là-dedans, c'est que il faut arrêter de réfléchir à ça, puis il faut rentrer dans l'action. Alors moi, j'ai fait quelque chose très récemment. J'ai téléchargé un document sur Internet, sur le site gouvernemental de la santé. Et ça s'intitule « Les directives anticipées ». Et tu as plusieurs cas de figure. C'est-à-dire, si tu es malade, c'est des dispositions justement au moment où tu es en fin de vie. Donc la première possibilité, c'est si tu es malade et tu sens que ça peut se dégrader et que donc tu veux prendre une disposition. L'autre, c'est que tu es en bonne santé et tu décides que... tu refuses l'acharnement thérapeutique, tu refuses un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est à disposition des citoyens. Et moi, je l'ai rempli, je l'ai fait, je l'ai signé. Et il faut le garder et en parler autour de toi et garder ce document en mettant une personne de confiance. Et est-ce que ça valide de... Est-ce que ça... Ah oui. Oui. Ah oui. Ok. Ah ben c'est pas mal ça. C'est ah ben oui, carrément. Ok. Hein. Alors le choix que tu as fait, lorsque ça arrivera, ben ils vont se fier à ce que tu as rempli comme... Oui, c'est-à-dire, en gros, c'est contre l'acharnement thérapeutique, ouais. C'est-à-dire ne pas maintenir... Particulièrement en vie ou... Oui, comme c'est le cas, effectivement, de Vincent Lambert, ça c'est le cas... Oui, c'est ça, on a parlé tout à l'heure avec Pierre Fin. Qui est maintenu artificiellement dans un coma depuis 10 ans et c'est un état végétatif, hein, c'est-à-dire que malheureusement, je pense qu'il s'agit plus d'une enveloppe corporelle. En même temps, on devrait légiférer sur le fait de si l'entourage fait en sorte d'alléger hein, les souffrances de quelqu'un, ben, qu'il ne soit pas tenu criminellement responsable. Oui. On est loin. On est loin. Ma mère est morte l'année dernière, pendant que j'étais à Paris. Elle est morte aujourd'hui. Ça fait un an aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'elle était malade, triple démence et l'Alzheimer, lorsqu'elle est décédée, avant de mourir, mais quand on a vu que ça n'allait plus. Moi et ma soeur, parce que nous sommes deux, on a rempli une feuille qui dit non, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, comme tu dis, hein, mais... Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qui... Ils n'ont fait aucun acharnement, mais ça a quand même été douloureux et dur vers la fin. On aurait très facilement donné une piqûre pour relaxer ou activer le cœur et faire péter, tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'elle avait physiquement qui a fait que... Ben, triple démence, c'est l'Alzheimer, tu arrêtes de manger et tu es en glissement. Glissement, c'est 10 jours, c'est entre une journée et 10 jours, tu vas mourir, ok? Alors, tu es en glissement, tu t'en vas vers la mort. Mais quand tu vois que tu es en glissement, à mon avis, on devrait se précipiter pour donner une injection. Pour accélérer le processus? Ben oui, pour oui. Parce qu'elle était dans un coma? Non. Elle a arrêté de manger, puis après ça, ben. Mais ça s'est fait très vite. Elle a arrêté de manger, puis par la suite, ben. Elle était dans un coma, mais pendant 2-3 jours, et puis elle est morte naturellement, guillemets. Mais toi, t'as trouvé que c'était... Toi et ta soeur, vous avez trouvé que c'était très dur, ça? Ben, très dur parce que, en fait, non, on ne veut pas d'acharnement. Pas progressif. Mais en même temps, elle ne peut pas revenir. OK? Elle ne peut pas revenir à la normale. Elle ne peut pas se remettre en... Tu comprends? Oui. Parce que ce que tu me décris, moi, je le vois quand même comme quelque chose d'assez progressif. Assez progressif, mais vers la fin, on peut, quand tu sais qu'elle ne se réveillera plus, que tu donnes une piqûre, tu dis à tout le monde, ben venez, nous allons nous concentrer autour de, nous allons nous placer autour d'elle et elle va s'en aller. Donc, préparez-vous, tu sais, au moins avoir un genre de décorum. Mais non, c'est un glissement. Et des fois, les gens qui veulent vraiment pas mourir, elle s'agrippe et... Elle s'est étouffée et puis elle est morte. Mais c'est complètement fou. Ma mère, elle me disait, lorsqu'elle était en pleine forme, elle dit, moi, ma grosse crainte, c'est de mourir étouffée. Plus capable de respirer parce que c'est très souffrant et c'est ce qui lui est arrivé. Au lieu de donner une piqûre qui, dans les 10 minutes après ça, on le fait pour des tueurs en série, hein, quand on en a parlé tout à l'heure, mais pour quelqu'un qui ne reviendra jamais, hein, comme mon père qui souffrait de leucémie, j'ai eu la chance, moi, de... on lui a injecté, il y avait une petite papillote pour continuer, parce qu'il ne faut pas toujours le repiquer, hein, on avait placé un petit dispositif. Et c'était le changement de corps de travail à l'hôpital. Puis on lui avait donné un puissant, je ne sais pas comment on appelle le produit, mais en tout cas un puissant sédatif. Ouais, ben, pour enlever la douleur et tout ça. Et la morphine. Exactement, la morphine. Ouais, un dérivé de morphine, parce qu'il était allergique à la morphine. C'est fou, hein, ça aurait pu le tuer, allergique à la morphine, en tout cas. C'était la grève des infirmières. Et après ça, ils ont légiféré sur le fait que les infirmières et les infirmiers ne doivent plus être en grève. Ils doivent, ils peuvent avoir des moyens de pression, mais ils doivent quand même travailler. Okay? Tu sais que nous, ils sont en grève, ils travaillent quand même. Hein? Oui, mais nous, c'était pas comme ça. Donc, il y avait quand même un accès. Il y en a qui ne se rendaient pas au travail, qui ne se rendaient pas. Bon, ils faisaient du piquetage en bas de l'hôpital. Okay? Tu me suis? Donc là, mon père, c'était pendant le changement de corps de travail. C'est moi qui restais de nuit avec lui. Ça, ça fait 25-30 ans. Et il lui avait injecté, hein, l'infirmière qui allait quitter, lui a donné une piqûre pour le calmer. Et la nouvelle infirmière arrive, elle ne l'a pas noté. La nouvelle infirmière de soir de nuit arrive, elle me dit « Est-ce qu'il souffre? » Je dis « Oui, est-ce que vous voulez qu'on donne? » Oui. Et moi, je savais que le cœur allait flancher. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit « Là, ils vont donner une deuxième injection après 15 minutes. » Puis arrive rapidement parce que je savais que c'était la leucémie. C'était terminé. Je dis à ma soeur, je crois que d'ici 15-20 minutes, après l'injection, là, il nous quitte. Bon, elle est arrivée en retard, mais je me suis jamais senti coupable. Mais je lui ai raconté, il n'y a pas si longtemps, il y a juste un an. J'ai pas compris. Il n'y a pas longtemps? Non, il n'y a pas longtemps, je lui ai raconté le fait que j'ai autorisé l'infirmière. À ta sœur? Oui. D'accord. Oui. Parce que c'était pas le moment, je ne voyais pas la nécessité non plus. Mon père souffrait, il est décédé. Hein. Mais c'est que, à cause du fait qu'il y avait une grève des infirmières, il avait mal rempli le dossier. Mais c'est bien, j'ai rien contre. Ils l'ont repiqué une autre fois, le cœur a flanché. Au lieu que le glissement dure 3-4 jours, ben, ça a duré 15 minutes. Ce matin, au saut du lit, je me regarde le menton et je vois un gros bouton bien gonflé, bien rempli. Et comme il était bien mûr, il gicle sur le mur un vilain petit jus blanc, puis une gouttelette de sang. Et ne tenant plus de joie, je presse une deuxième fois. Mais comme il était à point, il gicle encore plus loin. J'exulte, je jubile, je ris comme un débile. Je charcule, je triture, enfin je me défigure. Et je fais un massacre de ce bouton de nacre. Je le pince, il explose, c'est le miroir que j'arrose. D'accord, c'est abject. Je le cure, je le vide de l'ignoble liquide. Enfin il se libère et me laisse un cratère. Le jour de la photo, le jour de la photo. Avant d'aller chez elle, je vérifie mes aisselles. Et dans une vitrine, je vérifie mes narines. J'ajuste mon veston, je consulte mon bouton. Une croûte le rebouche, il ne faut plus que j'y touche. Mais c'est plus fort que moi, il faut que j'y remette les doigts. Mais comme il en restait plein, ouais, il gicle encore plus loin. J'exulte, je jubile, je ris comme un débile. Je charcute, je triture, enfin je me défigure. Et je fais un massacre de ce bouton de nacre. Je le pince, il explose, c'est le miroir que j'arrose. D'accord, c'est abject. Moi aussi, ça me débecte. Je le cure, je le vide de l'ignoble liquide. Enfin, il se libère et me laisse un cratère. Le jour de la photo, le jour de la photo, le jour de la photo, le jour de la photo. Avec Anne, avec Anne. Bonjour, excusez-moi, je cherche un kiosque dans le parc. Là, le... Femme, les rayons du soleil, ces soirées automnales sont longues et légères dans les allées du parc. Zénith va du temps, mon esprit t'accompagne. Sur le kiosque on dit Prévert, hier on jouait Mozart, les amoureuses bécotent Au mépris des pancartes, ils ont la main verte, tous les buissons savent ça. Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs pour s'installer comme ça? Tonne la clameur des huettes de la mini-fanfare qui, sous les grands mélèzes, invite le traînard. Flottise indolente à emboîter son pas. Comme les portes toutes se ferment, mieux que des automates, sans joie mais sans malaise, des gardes fouillent le parc. Des fois qu'on néglige le rituel vespéral. Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs pour y rester comme ça? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs? Faut-il qu'elle aime les bancs pour s'agripper comme ça? Toi, t'as jamais culpabilisé de ça en non, disant c'est moi qui ai décidé que ça s'arrête. Il ne pouvait jamais revenir, les plaquettes descendaient. C'est une responsabilité quand même. C'est une responsabilité. Ben non, pas pour moi. Pas pour moi parce qu'il n'y avait pas de retour possible. Il allait mourir. Est-ce que je veux le voir agoniser pendant 7-8 jours? Est-ce que je voulais qu'il... Et lui, il en avait parlé de ça avant aussi? Non, mon père, c'était... il parle dans les années 70, hein, c'était celui qui va travailler, c'était celui qui parle peu, qui pleure pas. Et comment il a eu cette maladie? La leucémie, ça se déclare comme ça, la leucémie. Nicolas Perrac a la leucémie. Il va mourir. La leucémie dure à peu près une dizaine d'années. Il n'y a pas de transplantation possible pour les enfants. Ils peuvent s'en sortir. Mais pour les adultes qui ont la leucémie, c'est terminé. Ça peut durer entre 5 et 10 ans. Avec une mort éventuelle. C'était pas lié au travail qu'ils faisaient? Pas du tout, non. Mais non, c'est le sang, c'est les plaquettes qui diminuent. Les globules rouges, la leucémie, c'est un cancer du sang. Du sang, oui. Les plaquettes mangent les globules. Il y a le blanc et le rouge. Alors, je ne sais pas si c'est le blanc et le rouge, mais... En tout cas, il y a des cellules qui mangent plus une couleur que l'autre. Je ne sais pas si c'est le blanc ou le rouge qui mange plus le... Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Donc... Parce que moi, j'ai participé d'ailleurs à une série très politique, jeu d'influence qui est diffusée sur Arte. Et où ils mettaient en lien les pesticides. Ah oui. Ah ça, oui. Avec le cancer du sang, donc la leucémie. Oui, non, mais la leucémie, ouais, ça peut être ça aussi, mais la leucémie, c'est comme un cancer, c'est tu l'as et puis tu le développes, ou tu l'as et tu le développes jamais. C'est les globules qui s'emparent. Il est parti, il avait quel âge, ton père? Mon père avait 64 ans, il n'a jamais touché sa retraite. Donc, pour le gouvernement, c'est un homme exceptionnel, parce qu'il n'a rien coûté, il n'a rien coûté à la société. Il a travaillé toute sa vie. Il a rapporté à la société. Il a commencé à travailler à 11 ans pour mourir à 64 ans. Il n'a jamais été au chômage. Il était ferrailleur. Travail très difficile. Il a eu des accidents de travail. Il est tombé en bas d'un 11e étage. Il il a été en fauteuil roulant, il a récupéré, il a recontinué, il est parti à la baie James pour créer LG1, LG2 et LG3 Canapisco. Le circuit hydroélectrique, c'est un peu grâce à leur travail à eux. Et puis pour arriver à 64 ans et trois quarts à nous quitter sans avoir reçu aucun cacheton pour sa retraite. Et ma mère s'en est jamais remis. C'est peut-être à partir de là que tranquillement, ça a déboulé. Elle a décliné. Oui, ça a décliné, mais le plus gros, sa maladie a duré 5 ans. Et je m'en suis occupé pendant 3 ans et demi. À un moment donné, ben, tu finis l'histoire. Voilà, c'est ça. Et pendant la même année, ma copine est décédée d'un AVC à mon anniversaire l'année dernière, le 12 juin. Il y a un an. 39 ans. Elle avait 39 ans. Un AVC? Un AVC. Un caillot dans le cerveau. Elle est tombée, elle s'est frappée. C'est en tombant que... Hein? C'est incroyable. Oui, le jour de mon anniversaire. Donc... Aucun signe à mon coureur, elle ne savait pas. Ah non, un AVC, tu tombes par terre. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Tu es en pleine forme, puis il y a un caillot, fini. Ça dépend si tu tombes, ça dépend si le caillot passe pendant quelques secondes, mais s'il reste bloqué, tu peux devenir soit légume ou mourir. Et vous étiez ensemble depuis... Je la connaissais depuis 3 ans. On était ensemble depuis 1 an et demi. Je l'ai connue à mon travail. Et là, t'as changé de travail? Non, mais je l'ai connue à mon nouveau travail. Je l'ai connue de ce moment. Là où tu montes les escaliers? Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille... Non, mais c'est pas compliqué. Je travaille dans un marché de quartier. Je travaille de soir, donc ils ont changé de main. Normalement, ils fermaient à 18h. Mais comme je travaillais de nuit, puis je trouvais ça quand même... mon beau-frère travaille là aussi. Je trouvais ça absurde qu'une entreprise ferme à 18h quand on peut vendre de la bière chez nous jusqu'à 23h. Donc, non, mais c'est payant, excuse-moi, mais c'est ça. Mais bien sûr. Bon, alors de 18 à 23, j'ai dit, pourquoi vous fermez de 18 à 23? Ben, on n'a personne. Ben, je propose lui mes services. Oui. Puis, ben, je ne veux pas commencer au salaire minimum. Quand même, j'ai 29 ans de service au OSO. Et puis, j'ai quand même une base. Je sais comment fonctionne ce boulot-là. Ben, il en a dit un mot au nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire dit, ben oui. 3 jours après, je l'ai rencontré. J'ai laissé une semaine de préavis. Ça fait 3 ans et quelques que je travaille là. J'ai rencontré mon amoureuse. Elle était cliente. Voilà. C'est ça. Donc, la vie peut tourner sur un petit cent. Et là, comment tu vas? Oh, moi, écoute, moi, ça va bien. Ma soeur, elle trouve ça plus difficile pour la mort de ma mère. Moi, j'étais ici, j'étais impuissant, je m'en allais le lendemain. J'ai continué à faire mes rencontres radiophoniques. J'ai rencontré 3 artistes, dont une chanteuse musulmane qui m'a beaucoup aidé. C'est ça, c'est sûr que... C'est quand même assez frais, mais ma soeur est plus meurtrière. Moi, un peu moins. Mais j'étais plus près de ma mère, mais moi, j'ai toujours dit que lorsque ma mère allait quitter pour aller à l'hôpital avant d'être envoyée dans une maison de retraite, entre guillemets, mais comme je suis pas vraiment un type qui aime beaucoup les hôpitaux, aller rencontrer les gens dans les hôpitaux, je préfère les voir en dehors de ça. J'ai dit que moi, ça pourrait peut-être, non pas mes liens, mais je repose souvent la voir, parce que c'est pas mon élément. Je l'ai vu, oui, quand ils l'ont transféré dans une maison de repos ou de retraite, ben là, je me rendais souvent, je lui parlais, à la fin, elle ne parlait plus, mais moi, je parlais encore. Elle était très violente, très, très violente. Elle m'a déjà tiré de l'eau, j'ai amené de l'eau, je disais, soit non, très, très violente. Et puis, à un moment donné, je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Ça, c'est il y a 2 ans, là, avant. Elle me regarde et elle dit, il y a la survie. Après la vie, il y a la survie. Et puis, ben, c'est ça, c'est... Ben écoute, moi je vois ça comme une étape, je vois ça comme un enrichissement, c'est-à-dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, comme disait Nietzsche. Puis il faut bien passer à autre chose, puis beaucoup pas se regarder le nombril, puis... Après, c'est pas la même chose de perdre... Enfin, c'est dans l'ordre des choses hein, de finir par perdre ses parents. Oui, mais... Mais son amoureuse, c'est pas la même chose. Hein. Oui, mais dans la maladie, il faut faire attention. Dans la maladie, tu veux pas voir tes parents mourir d'un cancer ou... tu veux voir tes parents mourir de vieillesse, mourir de... Comme ouais. disait Annie Girardot, mourir d'aimer, mourir... non, mais mourir de naturellement, dans son sommeil, mais pas... pas mourir de... Ce qui est difficile, c'est sans doute pour la personne qui est atteinte de triple démence et d'Alzheimer, c'est de voir tout se glisser en dessous de ses pieds, tu sais, tu n'as plus de contrôle. Tu n'as plus de contrôle. Tout s'embrouille. Tu ne sais pas pourquoi. Elle s'est toujours refusée d'être Alzheimer. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas Alzheimer. Donc, c'était très difficile pour nous. Non, elle avait de la mémoire. Non, c'est nous qui avions un problème et non pas elle. Quand elle venait me voir souvent, c'est au début, elle me posait une question. Puis là, elle venait une minute après, elle me posait la même question. Et c'est là que j'ai trouvé ça... Au début, j'ai trouvé ça surréaliste, là, en me disant, ben voyons, elle fait une blague parce que c'était une humoriste, elle avait bien. Et là, à un moment donné, j'en parle à ma soeur, elle dit, ben oui, j'ai remarqué ça. Puis on devrait creuser un peu l'affaire, aller voir ce qui se passe. Et on a vu, ben les médecins sont dépassés aujourd'hui avec l'Alzheimer, ils ne savent plus même vraiment sur quel pied danser. Il y a des professionnels là, mais ça commence à peine. Et puis, on a eu un médecin de famille parce que chez nous, on a... Il y a des gens qui peuvent avoir des médecins de famille, mais là, de moins en moins. Donc, des fois, ça peut prendre 3-4 ans avant d'avoir un médecin de famille si tu ne l'as plus, s'il prend sa retraite. Donc, et puis, ben, elle en avait un, puis il ne savait pas du tout comment s'y prendre. Il dit, comment vous appelez? Des questions d'une débilité extrême pour un médecin qui a fait des études universitaires. Qui a fait... Et on était là devant le constat d'un imbécile qui lui posait des questions. Avez-vous des frères, des sœurs? Combien de frères, combien de sœurs? Après ça, on se retirait avec le médecin. Bien, on lui a demandé avant, là, on vient ici pour valider, pour se faire aider, pour que vous nous ameniez un neurologue. On peut rencontrer un neurologue. Je dis, ben là, on n'est pas certain que ce soit l'Alzheimer. Écoute, on vit avec, on le sait. On lui racontait les faits. Puis il était un peu archaïque aussi. Il était vieillissant. Je crois qu'il était plus à la fine pointe de ce qui se passait. Puis pour lui, l'Alzheimer, c'était un sujet qu'il connaissait mal. Mais quand même, c'est un médecin. Ah, mais la copine, ça, c'est autre chose. La copine, c'est sûr que c'est difficile, mais... Dans sa vie, c'était pas facile non plus, donc elle a peut-être provoqué cette mort-là. Pourquoi tu dis que c'était pas facile dans sa vie à elle? Ben, parce que en fait, c'est une fille que j'ai voulu aider. Que moi, je connais toujours mes amoureuses, moi, quand elles sont dans le fin fond du gouffre. Et comme je suis un garçon rayonnant et je suis un garçon assez véhément et je parle beaucoup et je gesticule et j'envoie des blagues et j'ai la joie de vivre, j'ai la banane, hein, comme vous dites, hein, j'ai la banane. Donc, ces filles-là se prennent à moi et s'agrippent en disant « ils vont me sortir de là, OK? » Et puisqu'on s'emmerde, peut-être qu'à deux barmèdes, on s'emmerderait moins. Ces paroles plaident en faveur du plaid. Je suis garé pas loin. Il me dit Barmaid, viens dans la pinède. Et sans faire de foin, un je te précède. Tu comptes jusqu'à Z. Deux, tu me rejoins. Cède ce que tu possèdes sans faire de tintouin. Autrement, Barmaid, t'as le bonjour d'Alfred. Je retourne à Saint-Ouen. Je lui ai dit, Alfred, je te trouve un peu raide. Tu m'embouches un coin. L'amour nous possède. Je te le concède. Là tu marques un point. Mais est-ce qu'on procède comme des quadrupèdes? Je veux dire comme des chiens. Si tu veux que je cède, mets des gants de Suède. Demande-moi ma main. Barmaid, j'ai bu mon remède. Merci pour les soins. Car vois-tu, Barmaid, je m'appelle Andromède. J'en avais besoin. Les heures se succèdent et nous possède des amours torrides qui deviennent tièdes. Mes mains, ma belle Oued, pareil en Floride. Mes mains, ma belle Oued, pareil en Floride. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.